Les écrivains du comité central de l'Union des écrivains de Corée ont écrit plus de 170 œuvres littéraires, y compris la nouvelle Le ciel bleu et l'histoire vécue Le dévouement, qui encourage l'armée et le peuple à la campagne de 200 jours.